C'est l'été sur France Culture, quand le fait divers rejoint l'universel, quand le récit singulier se conjugue à la première personne du pluriel, une histoire particulière, Christine Bernard. Une histoire particulière. Voici le second volet de la collection Été 2018 d'une histoire particulière. Elle s'écoute chaque dimanche de 17h à 18h. C'est l'heure du récit documentaire. Une histoire va commencer, une histoire singulière, une histoire vraie. Les sept péchés capitaux, c'est une notion définie par le catholicisme qui représente des comportements humains à éviter. Ils sont capitaux parce que ce sont d'eux que découlent les autres. Saint Thomas d'Aquin en a défini sept, chacun étant incarné par un démon. Celui d'aujourd'hui est un monstre hirsute dont les cheveux sont des serpents vivants. Il porte les marques de la foudre divine sur son corps qu'il cache par ses ailes noires de chauve-souris qu'il replie sur son buste. Il règne désormais sur les ténèbres. Oui, désormais, car avant c'était un ange, le plus beau des anges. Son esprit parfait n'était inférieur qu'à Dieu. Il était le second en beauté, le miroir pur qui reflétait l'insoutenable beauté de Dieu. On le surnommait le porteur de la lumière. Mais il s'est cru lumière lui-même. L'orgueil de soi prenait de la place en lui, une place dans laquelle l'amour ne pouvait exister. Dès cet instant, l'archange devint sacrilège, assassin et prédateur. Vous avez deviné ? Lucifer est son nom, l'orgueil est son péché. En voici l'illustration racontée par Stéphane Bonnefoy et Jean-Philippe Navarre. Un homme plein de muscles mais dépourvu de cerveau est une créature inutile, disait le frère noir Booker Washington. Les frérots qui combattent pour la cause ne m'ont jamais vraiment eu à la bonne. Je n'ai jamais cru à cette histoire de frérot. Un boxeur n'est ni noir ni blanc, il est bon ou mauvais. Et j'étais le meilleur. Jack Johnson, la couleur de l'orgueil. C'est le premier homme noir à remporter le titre de champion du monde des poids lourds. Il a dans l'histoire américaine une place particulière parce que non seulement il a été fabuleux sur les rings, mais aussi en dehors des rings. C'est un homme noir qui a volontairement, de façon insolente et même effrontée pour les Blancs, essayé de renverser l'ordre racial. 6 pieds de haut et dur comme un clou. 200 livres, tout nu jusqu'au cuir. Mes bras étaient interminables, plus longs que ceux d'un gorille. J'ai encaissé plus d'insultes que coups de poing. Mais j'étais le plus fort et le plus chic d'entre tous. Boxer envers et contre tous. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Jean-Philippe Navarre. Quitte à être noir, autant ne pas passer inaperçu. Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un orgueilleux, un peu comme gage d'existence. Philippe Aronson. Quelque part, si on n'a pas d'orgueil, qu'on est noir, et qu'on vient d'un milieu extrêmement pauvre, avec des parents anciens esclaves, si on n'a pas d'orgueil, comment on fait pour exister ? On peut même pas exister, sinon. Je crois que c'est quelqu'un de très complexe. Forcément, il ne pouvait pas trop montrer qui il était dans la société où il a grandi, où il a été élevé. Il est quand même né en 1878. Je crois que c'est quelqu'un d'espiègle, c'est quelqu'un qui avait vraiment le sens de l'humour. C'était quelqu'un qui refusait les limites que la société lui imposait. C'était quelqu'un de très curieux, de très ouvert. Il adorait la musique classique, la littérature. Il aimait s'habiller de manière très élégante. Et je crois que Jack Johnson, il voulait se venger du destin, il voulait se venger de la société, il voulait se venger de plein de choses. Jack Johnson n'avait pas de modèle. Il n'y avait personne qui avait tenté de faire ce qu'il a tenté de faire et ce qu'il a réussi à faire. Jack Johnson was a big inspiration because what he did out of the ring, he was so bold. Mohamed Ali. Jack Johnson was a black man back when white people lynched Negroes on weekends. Je pense qu'il n'a pas d'égal dans l'histoire sportive américaine, sauf Mohamed Ali, par exemple, dans les années 1960. Nicolas Martin Breteau. C'est un personnage qui dynamite en fait les codes sociaux du suprémacisme blanc et qui l'a payé très cher. Mais qui, par son insolence volontaire vis-à-vis de ses codes, a ouvert la voie à une révolution symbolique, en fait, qui mènera dans les années 1920, par exemple, à la figure de ce qu'on appelle le New Negro, c'est-à-dire cette nouvelle figure de l'homme noir, revendiquant ses droits fièrement, ne tournant pas l'autre joue, et répondant parfois par la violence à la violence blanche. J'ai été le premier champion du monde noir des poids lourds. j'ai été l'empereur de la masculinité, le Napoléon des nègres. Je l'avoue, je faisais ce que j'avais envie de faire. C'est tout. Pas pour irriter les blancs, même si ma sœur Lucie m'a plus d'une fois mis en garde. Elle trouvait que je les provoquais tout le temps. « Tu ferais mieux d'être humble devant Dieu, » me disait-elle. « Que tu niques des blancs, j'en ai rien à foutre. C'est le fait que tu le jettes à la face du monde entier. Tu vas t'attirer des ennuis. » Jack Johnson, comme tous les boxeurs noirs au début de sa carrière, est considéré comme un boxeur inoffensif. De façon naturelle, Jack Johnson est incapable, dit-on, de combattre et encore moins de gagner contre un boxeur blanc parce que racialement, il est inférieur aux blancs. Et puis, au cours de sa carrière, à mesure qu'il remporte des combats contre des boxeurs blancs, il devient la brute, le sauvage. D'autant plus qu'il s'affiche publiquement avec des femmes blanches, plusieurs femmes blanches à la fois. Il se marie 3 fois quand même avec des femmes blanches, ce qui est tout à fait extraordinaire pour l'époque. Et il devient cette brute, ce sauvage qu'il faut absolument canaliser avant qu'il fasse des émules. Ma mère était lavandière. Mon père faisait le ménage au lycée de Galveston. Ils étaient pauvres, mais on avait toujours à manger. Comme mes parents étaient analphabètes, ils considéraient qu'à partir du moment où mes sœurs et moi savions lire et écrire, nos études étaient terminées. J'ai donc arrêté l'école et commencé à travailler à 10 ans. Ma mère était une femme simple, née esclave, non loin de l'endroit où je me trouve aujourd'hui, en Caroline du Nord. Elle ne me comprenait pas. Elle m'aimait. Elle avait perdu plusieurs fils avant moi. Elle me regardait avec le scepticisme des femmes qui n'attendent pas grand-chose d'un nègre comme moi, sinon qu'il survive. Un jour, ma douce maman, je t'apporterai des liasses de dollars. 100 000 $ pour toi, maman, à chaque visite. Pour moi, ce sera rien. Rien. Je lui ai souri. Elle a éclaté de rire. Je ne rigolais pas du tout. Jack Johnson est né en 1878, c'est-à-dire un an après l'effondrement de la période dite de reconstruction. C'est-à-dire que pendant la guerre de sécession, qui se termine en 1865, avec l'abolition de l'esclavage, s'ouvre une période dite de reconstruction où l'État fédéral américain essaye de reconstruire le sud des États-Unis, c'est-à-dire ce vaste territoire où anciennement l'esclavage prévalait, de le reconstruire sur des bases nouvelles. Donc une dizaine d'années après la fin de la guerre de sécession, cette politique est abandonnée, le sud est laissé à lui-même, et les suprémacistes blancs dans cette région réinstaurent un mode de gouvernement politique et un mode de gouvernement social inspiré de la période de l'esclavage, le but étant de remettre les Noirs à leur place, de ne pas les laisser croire qu'ils sont libres. Pour ce faire, l'usage de la violence est quelque chose de tout à fait commun à l'époque. Des groupes terroristes blancs sont créés à la fin du 19e siècle, le plus connu étant le Ku Klux Klan. Et ce que risque concrètement Jack Johnson, qui a environ une vingaine d'années à la fin du 19e siècle, c'est d'être tué. Haut et court, d'être torturé, d'être émasculé, etc., pour ces multiples écarts à la norme socio-raciale de l'époque. Simplement, sa notoriété de boxeur extraordinaire l'a protégé. Un jour, vers la fin du siècle dernier, je suis descendu d'un wagon à Springfield, dans le Missouri. J'ai croisé un homme qui me regardait avec insistance. Il m'a abordé, bien habillé, un blanc, la quarantaine. Comme je n'avais pas envie de me faire chier, je l'ai toisé, moi aussi. Et il m'a demandé si je savais me battre. J'ai dit, comment ça? Il a dit, la castagne, la boxe. Je lui ai dit, un peu, oui. Et il m'a fait signe de le suivre. Tu vas combattre ce soir au Senate Bar. Je m'appelle John Connor. Encore un Irlandais. Un petit mec, cheveux blancs, mains très larges pour un homme de sa taille. Un ancien boxeur. Et moi, je lui ai répondu du tac au tac. Jack Johnson. J'avais envie de frimer. Tout le monde m'a toujours appelé Arthur, mais j'aimais bien comment ça sonnait. Jack Johnson. Alors il y avait à l'époque quelque chose que les Blancs aimaient beaucoup, qui s'appelait des Battle Royal, bataille royale, enfin je sais pas pourquoi on utilise ce terme. On mettait sur un ring 5 ou 6 ou 7 garçons noirs les yeux bandés et puis ils se tapaient dessus jusqu'à ce que le dernier, le survivant, on va dire, touchait un peu le pactole, on lui balançait des pièces, etc. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement humiliant et... Ah, le doux plaisir de regarder 5 ou 6 ou 7 jeunes noirs affamés, les yeux bandés, en train de se battre pour le plaisir de gros blancs pervers qui leur jettent ensuite des pièces à la gueule. Ils se sont rués sur moi. Ils ont essayé de me toucher. Je me suis retiré dans un coin contre le poteau et je les ai attendus. Puis, 2 crochets du droit. 2 KO. Au troisième type, j'ai balancé un crochet du gauche au cœur. Il est tombé à genoux. Si tu te lèves, je te tue, reste couché. Il est resté couché. Et j'ai gagné. Monsieur Connor a pris toute mon oseille. Mais il m'a offert une bière. Tu iras loin, petit. Tu sais boxer. Tu iras loin. Ouais. Et je crois qu'il a commencé comme ça, il s'est rendu compte qu'il avait ce qu'il fallait. De toute façon, c'était un sportif, il jouait au baseball, il jouait, il était cycliste, enfin je ne me souviens plus le nombre de sports qu'il a pratiqués. Il s'est rendu compte finalement que la boxe était quelque chose, enfin, où il pouvait gagner de l'argent, et puis il était quand même pas maladroit. Physiquement, il était très fort. C'est comme ça que ça a démarré, et puis il a eu la chance de rencontrer 2 ou 3 boxeurs expérimentés, dont Joe Chwinski, dont je parle dans le livre, qui lui a appris vraiment, alors là, les fondamentaux techniques de la boxe. Donc il a compris, il a eu aussi l'intelligence de se rendre compte qu'il allait falloir qu'il approfondisse sa connaissance du noble art, et qu'il devienne vraiment un praticien extrêmement averti. À mes débuts, je suis monté plus d'une fois sur le ring sans rien dans l'estomac ou avec un peu de pain et de lait caillé. Il m'a fallu une volonté de fer pour les envoyer au tapis. Pas une défaite. Lee, Klondike, tous KO. Et ce bon vieux John Carter qui m'envoya 5 grands diables à la file, faute d'en trouver un sérieux. À Los Angeles, j'ai dû démolir Frank Chats sous les injures racistes. J'ai fui de ville en ville, les poches vides. Je n'étais qu'un pauvre nègre crevant de faim. Je donnais quelques leçons à 2 médiocres boxeurs contre un repas. Un Italien me céda une série de complets en bon état. À partir de ce jour, je n'ai jamais cessé d'être bien habillé. À chaque combat, j'étudiais l'homme en face, sa manière d'être sur le ring. J'apprenais à lire son anxiété, sa peur, sa souffrance, ce qu'il fallait exciter et ce qu'il fallait dominer tranquillement. La tête et les jambes, Guy. Je n'ai jamais eu de professeur. On pensait que je fuyais l'offensive, mais non, j'apprenais mon métier. Que de fois on m'a traité de brute sans intelligence. Mais c'était le prix à payer pour être un jour champion du monde. Posséder une pelisse de loutre et des diamants au plastron de mes chemises. Et c'est dans cette société extrêmement raciste et extrêmement violente que Jack Johnson se fraye sa voie vers cette carrière qui lui ouvre des perspectives absolument extraordinaires pour un enfant noir de sa génération. C'est-à-dire tout ce qu'il a fait dans sa vie aurait été simplement inaccessible par un quelconque autre biais. C'est quelqu'un qui... c'était aussi quelqu'un... il savait très bien que la boxe est un spectacle. Et il voulait que les gens en aient pour leur argent aussi. Ben, un peu comme Mohamed Ali d'ailleurs, qui s'en est réclamé. Philippe Aronson. C'est quelqu'un... il savait très bien que les gens adorent détester. Et c'était le anti-héros de tous les Blancs et le héros de presque tous les Noirs. Parce qu'il faut dire qu'il y avait quand même des Noirs qui trouvaient qu'il se comportait de manière un peu dangereuse pour le reste des Noirs, justement, parce qu'il allait tellement loin qu'il pensait que ça pouvait être une mauvaise chose pour tout. Donc il n'était pas forcément un héros chez les Noirs non plus. C'est plutôt un anti-héros, on va dire. Mais quelqu'un qui s'est beaucoup délecté, je crois, de la colère qu'il pouvait générer chez les gens, la jalousie. Et puis c'était quelqu'un de spectaculaire, parce que quand il décidait de passer à l'attaque, je peux vous dire que c'était quelque chose de beau à voir. Hein. La première grande victoire. On a dansé le cakewalk pendant tout le premier round, jusqu'à ce que ce fumier m'envoie un direct du droit qui m'éclata les os métacarpiens. « Many thanks !» lui criai-je de l'autre côté du ring. La foule rit et je saignais comme un cochon. C'est alors que je lui répondis par un coup de masse qui aurait pu lui être fatal si mon dessein n'était pas de le mater au poing. Ce vieux Ed soufflait comme un phoque et était couvert de sang. J'obtins la décision au point et ce combat changea ma vie. Dès lors, je fis mes 3 repas par jour. Fini les rations de haricots rouges et les nuits à la belle étoile. À la fin de la semaine, je signai un combat contre le grand boxeur, un autre colorier, Sam McVie. Même tactique. J'aurais pu en finir dès la 10e reprise. Quelques autres frérots subirent le même sort à Philadelphie. Un certain Sandy Ferguson, que j'anéantis à la suite des autres, toujours dans la même ville des Quakers, fit courir le bruit que je l'avais hypnotisé. Ce fut mon premier titre, Colored Heavyweight Championship. Champion des poids lourds colorés. Il gagne ce titre en 1903 et comme ce titre de champion des poids lourds est ségrégué, il ne peut pas directement affronter le champion blanc des poids lourds de l'époque et doit se contenter de combattre soit des adversaires noirs, soit des adversaires blancs souvent bien inférieurs à lui. Il a dû d'abord se défaire d'une génération de boxeurs poids lourds noirs tels qu'on en a rarement vu, qui aurait vraiment battu pratiquement n'importe quel blanc à l'époque. Mais déjà, il n'était pas question de combattre contre les blancs, il fallait que les noirs restent entre eux. Quand Jack Johnson, une fois qu'il a eu tanné tous ses concurrents noirs, c'est là où il a commencé à se dire « Ah, alors là, maintenant, c'est quoi l'étape suivante ?» Et il a commencé à provoquer, à chercher, à combattre contre des blancs qui refusaient de combattre contre lui parce que c'était un sous-homme, etc. Enfin, le racisme de l'époque. Enfin, c'est là où démarre un peu cette histoire invraisemblable de Jack Johnson. Sa notoriété commence à enfler aux États-Unis et lui fait tout en bon homme d'affaires, parce qu'il est aussi un homme d'affaires avisé, fait tout pour combattre les meilleurs parmi les blancs. Et en particulier, il n'aura de cesse dans ces années de chasser, entre guillemets, Tommy Burns, qui est donc le champion du monde blanc en titre. Il s'était mis en tête qu'il allait combattre le champion blanc, et il allait montrer au monde qu'un noir pouvait être le plus grand boxeur du monde. On lui disait que non. Ah ben, donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé provoquer le champion. Il apprenait que le champion à l'époque, il s'appelait Tommy Burns. Il était à tel restaurant ou tel café, tel bar. Eh ben, il s'y rendait et il le provoquait. Il lui disait « Ah, tu veux pas combattre contre moi ?» etc. Bon, pas sur le ring, mais peut-être qu'ici, devant tes copains, allez, on y va, etc. Et puis, ça créait un esclandre. On le virait, je sais pas ce qui se passait dans ces moments-là, mais en tout cas, la presse s'en est emparée de cette histoire. Ça fait comme une traînée de poudre, quoi. Il y a un autre article. Et puis comme la boxe était quand même le sport le plus prisé de l'époque, on s'imagine même pas. Parfois, il y avait jusqu'à 100 000 spectateurs pour un combat de boxe. Le champion du monde, à l'époque, c'était la désignation officieuse, on va dire, mais on disait que c'était l'empereur de la masculinité. C'est quand même une expression magnifique. Donc les gens s'intéressaient beaucoup à ça. Et la presse s'est rendue compte qu'elle pouvait vendre des journaux. Ce noir qui connaît pas sa place, il est en train de provoquer Tommy Burns, qui était tellement gêné par ça qu'il a quitté New York, il est allé à San Francisco, et Jack Johnson l'a suivi à San Francisco, a continué de le provoquer. Tommy Burns a quitté San Francisco et parti en Europe. Jack Johnson l'a suivi, donc ça a fait boule de neige. Et finalement, le roi d'Angleterre lui-même s'est exprimé sur le sujet. Ben, s'il est indigne de combattre, ben, prouvez-le en le battant. Tommy s'appelait Noah Bruno, en vrai. Il était juif. Nombreux sont les juifs qui ont eu recours au changement de nom pour tenter de se fondre dans la société blanche raciste et parfois pour tenter de sauver leur peau. Tout homme a un prix. Et Burns a fini par annoncer le sien. $30,000. À 11h du matin, le lendemain de Noël 1908, le combat a commencé. « Sale négro, bouffeur de merde, on aura ta peau !» Dans les gradins, 70 000 personnes déversaient leur haine sur moi. Une vraie communion de crasse. Ils hurlaient, me raillaient, réclamaient ma mise à mort. Pour commencer, quand mon nom était annoncé et que la foule m'a conspué, j'ai souri de toutes mes dents. J'ai soufflé des baisers à cet océan de malveillants visages blancs. Il avait un humour aussi, on va dire. C'est quand même assez drôle de voir comment il se comportait. C'est quelqu'un de... C'est vrai, je suis en train de parler de lui. Le sourire aux lèvres, c'est vrai que c'est quelqu'un de... Il me fait rire et puis je l'admire. Et justement, le sourire, lui, de Jack Johnson sur le ring, comment est-ce que vous l'interprétez, vous, Philippe Aronson? Refus de se laisser toucher, affecter par le vitriol qu'on déversait sur lui. Quelqu'un de... il montre sa supériorité. C'est le sourire du comte de Monte Cristo. Rien de moins. Dans le coin de Tommy, ça invectivait sec. Ce qui ne me dérangeait pas le moins du monde. J'ai commencé à désigner les parties de mon corps à Burns. « Vas-y, mon grand, vise donc le foie. C'est un bon coup à tenter. Essaye !» Essaye, petite fiotte. Le noir, tel que Jack Johnson l'incarne, cette espèce de fantasme terrifiant. Le blanc raciste de l'époque, il aurait voulu qu'il se cantonne à l'image intérieure que le blanc avait du noir. J'imagine. On veut qu'il soit une bête féroce, on veut qu'il soit quelqu'un qui masque sa peur avec une agression de chaque instant. En fait, non. Il arrivait avec un peignoir en soie. Parfois, il portait un short rose. Enfin, à l'époque, en plus, c'était un truc... aujourd'hui, on en voit plein de données. À l'époque, c'était quelque chose de totalement impensable. Il débarquait comme dans un salon sur le ring. Il faisait tout. Il prenait tout le monde à contre-pied. Et puis, il montrait que son sourire montre, premièrement... Que vous n'allez pas m'atteindre, votre haine, j'en ai rien à foutre. D'ailleurs, je me gosse de cette haine, et en plus, je vais te foutre une branlée. Et ça me fait rigoler, parce que c'est marrant. Non seulement j'ai ça et ça et ça et ça contre moi, mais en plus je vais te casser la gueule, devant tout le monde, devant ta femme, devant ton pays. C'est bien sûr, ça le fait rire. Chaque fois que Burns cherchait à me frapper, j'esquivais et je lui mettais un bel uppercut au menton. Du gauche, du droit, une, deux, trois fois. Et je l'ai aussi frappé, encore et encore, au corps, au cœur, au foie, mais sans trop appuyer non plus. Je voulais lui attendrir la chair à coups d'oignon, comme on fait avec les porcs avant de les abattre. Quand Burns m'enlaçait, épuisé, étourdi, saoulé de coups, je lui caressais la tête. Ouais. Il y a une image, d'ailleurs, où on le voit en train de démonter je ne sais quel adversaire blanc, et on voit un océan de visages blancs consternés dans le public, et il y a un noir qui est tout content. Il fallait que je continue de le punir, que je continue de montrer au monde abruti des blancs ce dont était capable un noir de ma trempe. C'est un des premiers boxeurs qui utilise le trash talking, c'est-à-dire cette façon de mettre la pression sur l'adversaire par tout un tas de codes langagiers, de postures, etc. avant le combat. Nicolas Martin Breton. Il ne se prive pas de faire des remarques acerbes et parfaitement scandaleuses à la presse avant le combat. Et une fois sur le ring, il joue des codes sociaux en les retournant à son avantage. Par exemple, il passe une partie de son combat à parler et donc à insulter son adversaire blanc tout en lui disant « monsieur ». Il s'adresse par exemple à son adversaire blanc avec des signes de déférence. Il appelle son adversaire « monsieur » ou « captain »,« capitaine ». Hein, ce sont des appellations communes des noirs vis-à-vis du blanc. Et en même temps, il utilise ces appellations pour dire des choses absolument inadmissibles dans l'ordre socio-racial de l'époque. C'est-à-dire, t'as que ça dans le ventre, monsieur. Montre-moi ce que tu sais faire, captain, etc., etc. Et on voit bien qu'il a cette faculté à incarner des codes tout en les retournant. Et c'est la raison pour laquelle sa figure est en fait une menace pour l'ensemble de l'ordre socio-racial américain à l'époque, que ce soit sur le ring ou en dehors du ring. De la même façon, il invite son adversaire à venir le frapper pour montrer qu'il n'a pas peur et qu'il encaisse parfaitement ses coups, renvoyant dans la suite du combat quelques droites ou uppercuts qui mettent directement à terre son adversaire. Pour finir, à la 14e reprise, alors que j'appuyais sur l'accélérateur, enchaînant coup sur coup, répétant mes combinaisons, crochet, jab, crochet, uppercut, transformant Burns en sac de frappe sanguinolent. Et il l'a complètement défoncé. Le 26 décembre 1908. Et d'ailleurs, ça a été filmé jusqu'au moment où ils ont compris que le noir allait gagner, que Jack Johnson allait le mettre KO. Et là, ils ont cessé de filmer parce que le monde ne pouvait pas voir, ne pouvait pas essuyer l'affront. Le monde lui-même essuyait l'affront de voir un noir battre un blanc sur le ring. Et tandis que la foule réclamait à grands cris l'interruption du combat, la police a envahi le ring et a mis fin à ma démonstration. Et donc on n'a pas les images de Jack Johnson en train de mettre Tommy Burns KO, ce qui est dommage et ce qui est surtout très très parlant. Le monde serait donc à jamais privé du spectacle d'un noir mettant KO un blanc. J'étais champion du monde. Et Tommy Noah n'avait pas réussi à me toucher une seule fois. J'étais frais comme une fleur. I'm Jack Johnson, heavyweight champion of the world. I'm black. They never let me forget it. I'm black, all right. I'll never let them forget it. Est-ce que c'est Jack Johnson, finalement, Nicolas Martin-Brotteau, qui, en battant Tony Burns en Australie en 1908, qui va effacer, au moins temporairement, cette color line? Alors, il efface, oui, la color line de façon extraordinaire à l'époque. C'est-à-dire, à Sydney, en 1908, vous avez un homme noir qui devient champion du monde des poids lourds en battant le champion du monde en titre, le Canadien Tony Burns. Il efface pour un temps la color line puisqu'il oblige nécessairement des boxeurs blancs à le combattre pour regagner le titre. Donc à partir de 1908, on va avoir une succession de combats qui vont opposer Jack Johnson à des boxeurs blancs qui chacun essaiera de regagner le titre et surtout de regagner la dignité perdue de la race blanche. Et dans les années 1908-1909 et jusqu'en 1910, Jack Johnson va affronter un certain nombre d'opposants blancs et chaque combat se soldera par une très nette victoire de Jack Johnson. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'opinion publique blanche américaine, on se met à chercher le boxeur blanc qui sera capable, une bonne fois pour toutes, de faire revenir du côté blanc de la color line le titre de champion du monde des poids lourds. Quelqu'un comme Jack London, encore, est un des grands promoteurs de cette recherche d'un Great White Hope, de ce grand espoir blanc qui redonnera la fierté raciale au groupe dominant blanc. Après Tommy Burns, j'avais bien envie de m'offrir le gros Jeffrey. 300 livres, dit le chaudronnier, le plus grand champion du monde, blanc. Dois-je le préciser, qui faisait à présent du lard dans sa ferme. Mais c'est là le début d'une autre histoire. Jack Johnson, la couleur de l'orgueil. Avec Philippe Aronson, Claude Meunier et Nicolas Martin-Brotteau. Lecture d'un trou dans le ciel de Philippe Aronson, Jean-Michel Martial. Musique, A Tribute to Jack Johnson, de Miles Davis. Ladies and gentlemen. Un boxeur n'est ni noir, ni blanc. Il est bon ou mauvais, et j'étais le meilleur. Jack Johnson, la couleur de l'orgueil. J'ai été le premier champion du monde noir des poids lourds. On n'avait jamais imaginé un affront pareil qu'un noir puisse humilier un blanc sur le ring, et aussi avec une telle désinvolture, avec une telle classe. J'étais le plus fort et le plus chic d'entre tous. 1910, le combat du siècle. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Jean-Philippe Navarre. Il ne supportait pas qu'un noir puisse être champion du monde de boxe poids lourd. Il ne supportait pas. Quitte à être noir, autant ne pas passer inaperçu. Il s'habille de façon ostentatoire, avec des habits extrêmement luxueux. Il s'achète des voitures de course. Il passe une partie de son temps à faire des excès de vitesse sur la route. Il ne paye pas ses amendes. Nicolas Martin Breteau. Il couche, hein, pour le dire clairement, avec des femmes blanches, notamment des prostituées blanches, au vu et au su de tous. Tout ça fait partie d'une personnalité tout à fait extraordinaire qui est, à l'époque, très singulière. Très peu d'hommes noirs qui peuvent se permettre ce type d'écart à l'ordre socio-racial américain. Jack Johnson le fait, et il devient, pour cette raison, l'un des ennemis publics numéro un de la société blanche américaine. Ouais. Ma mère était lavandière. Mon père faisait le ménage au lycée de Galveston. Ils étaient pauvres, mais on avait toujours à manger. Comme mes parents étaient analphabètes, ils considéraient qu'à partir du moment où mes sœurs et moi savions lire et écrire, nos études étaient terminées. J'ai donc arrêté l'école et commencé à travailler à 10 ans. Ma mère était une femme simple, née esclave en Caroline du Nord. Elle avait perdu plusieurs fils avant moi. Elle me regardait avec le scepticisme des femmes qui n'entendent pas grand-chose d'un nègre comme moi, sinon qu'ils survivent. Un jour, ma douce maman, je t'apporterai des liasses de dollars. 100 000 $ pour toi, maman, à chaque visite. Pour moi, ce sera rien. Rien. À partir de 1908, quand Jack Johnson devient officiellement le champion du monde des poids lourds, on cherche un adversaire à la mesure de Jack Johnson et l'opinion publique blanche tourne ses regards vers Jim Jeffries, l'ancien champion du monde blanc des poids lourds, qui a pris sa retraite aux alentours de 1905, je crois. On va le sortir de sa retraite. Il y a pas mal de gens qui, encore une fois, Philippe Aronson, le fric, tient un rôle non négligeable, même si c'était présenté comme une espèce d'entreprise très noble, de redorer le blason de la blanchitude américaine. 101 000 $ de récompense pour les deux combattants. Donc Jim Jeffries décide de perdre quelque chose comme 30 kilos pour aller affronter Jack Johnson. One of the great events in sports history is just 24 hours away as we look at downtown Reno, Nevada on July 3rd, 1910. Dans les semaines, dans les mois qui précèdent le combat, la presse ne parle quasiment que de ça et des reportages se suivent sur les managers, les parents, l'état de forme, etc. de chacun des boxeurs qui arrivent eux-mêmes une dizaine de jours avant le combat dans la ville de Reno. Ce noir qui était là en train de rigoler, qui se comportait comme s'il était entièrement libre, il fallait le remettre à sa place. Et d'ailleurs, je crois que c'est de cette époque que date cette notion de grand espoir blanc, the great white hope. Tomorrow, heavyweight champion Jack Johnson will defend his crown against the man who is already a legend in his time, former heavyweight champion James J. Jeffries. L'ensemble du pays est en effervescence, d'autant plus que le combat est prévu pour le 4 juillet, date de la fête nationale américaine. Donc, les Américains blancs attendent que la fête nationale américaine soit couronnée par la victoire de leur boxeur sur l'insolent boxeur noir Jack Johnson. Champion Jack Johnson makes his way through the crowd. Jack always insists on being the first to enter the ring. Jeff allonge sa gauche pour essayer de me maintenir à distance. Et ensuite, il fonce sur moi, une fois, deux fois. Et ça continue. Moi, je me contente de le serrer dans mes bras, comme une belle femme. Quand Jeff m'enlace, là, je joue les vierges effarouchées. Je ne suis pas celle que tu crois, Jeff. Je lui disais des trucs comme ça, avec une voix de femme. La majorité blanche considère que les hommes noirs sont des prédateurs sexuels en puissance. dont il faut protéger les femmes blanches absolument. Et Jack Johnson en joue. Il va même parfois jusqu'à utiliser des linges ou toutes sortes d'artifices qu'il met dans son caleçon pour faire croire qu'il a un pénis énorme, renforçant encore les peurs des blancs et jouant habilement sur les stéréotypes qui sont associés éventuellement à sa race. En apparence, je prends le combat à la légère. Mais en vérité, c'est on ne peut plus sérieux. Il ne se livrait pas. Il attendait que son adversaire essaye de le toucher pour ensuite lui montrer qu'il ne pouvait pas le toucher. Parce qu'il était trop rapide, parce qu'il était trop fin. Et ça exaspérait les blancs qui voulaient que ce noir se jette sur eux comme un taureau, etc. Et en fait, pas du tout. Alors évidemment, Jim Corbett, là, dans le coin de Jeffrey, il le traite de négro, de lâche, de voyou. Mais comme vous pouvez le voir, mesdames et messieurs, je n'arrête pas de rire, de sourire, de plaisanter avec lui. « Prends ton temps, Jim !» je lui ai dit. Là, avant de lui décrocher une combinaison droite, gauche, à la rate et au cœur. « Je ne suis pas pressé !» Je pourrais faire ça toute la journée et baiser sa femme toute la nuit. Il savait qu'on voulait le lyncher, on voulait le tuer. À chaque fois, les cris qu'il entendait, des cris de singe, enfin des cris de mort. C'est quelqu'un qui réagissait à cela en se moquant des racistes, en les provoquant. Parfois, il suggérait à ses adversaires « Si tu essayais de me donner un petit coup là-haut, là. » Et puis ensuite, le mec, il essayait parce qu'il était vexé, puis il ratait son coup puisque Jack Johnson était tellement agile et savait très bien ce que son adversaire allait faire. Après la sixième reprise, il fatiguait. Alors je lui disais « Tu te sens comment, hein, mon petit Jim ? Un peu fatigué ? Ça te plaît de prendre une bonne raclée le jour de l'indépendance ?» Et d'un nègre encore. Bien entendu, il n'avait pas de réponse. Non, il n'avait pas de réponse. On continue. J'enchaîne ainsi les reprises comme on enfile les perles. Alors Jack Johnson fait son numéro sur scène et en même temps, les spectateurs sont persuadés que Jim Jeffries va l'emporter. Dans le public, un certain nombre de personnes entonnent des chansons racistes qu'on appelle des « coon songs ». Coon, c'est le terme employé pour désigner les Noirs. C'est un terme extrêmement péjoratif pour le déstabiliser, ce qu'il n'a évidemment pas à faire, puisque littéralement, Jack Johnson joue avec son adversaire jusqu'à la 14e reprise, je crois. À la 14e reprise, son nez est cassé. Ses yeux sont gonflés. Je crois bien qu'il n'y voyait strictement rien. Il a la bouche en sang. Une bouche de clown grotesque, non ? Un beau portrait. C'était un styliste. C'était quelqu'un qui pratiquait ce qu'il appelait la boxe scientifique, c'est-à-dire basée sur l'analyse de son adversaire, sur les mouvements, sur les pieds, sur devancer l'autre. Il examinait son adversaire, il le voyait dans des combats contre d'autres, pour voir un peu quelles étaient ses faiblesses, quelles étaient ses tendances. Et donc c'était quelqu'un qui gardait la tête très froide et qui, justement, grâce à ça, pouvait se comporter. On aurait dit que c'était très improvisé parce qu'il racontait des bêtises. Mais en même temps, c'était quasi chirurgical la manière dont il démontait ses adversaires. 15e reprise. Je me lance. Bam ! Uppercut du droit. Jim Jeffries s'écroule. Messieurs, dames, Jim Jeffries est en pièces. Je me tourne vers le public qui exulte et j'attends longtemps que le silence revienne pour ajouter. C'était la première fois dans sa carrière de boxeur qu'un adversaire l'envoyait au tapis. Les combats sont filmés et souvent projeté en salle dans les semaines qui suivent ce combat. Les combats sont suivis en direct, notamment le combat de 1910, grâce au télégraphe. Des télégrapheurs envoient en temps réel les épisodes de l'avancée du combat aux quatre coins des États-Unis. On a, pendant le combat de 1910, des acteurs qui rejouent, évidemment léger différé, le combat devant les spectateurs qui se sont amassés devant la scène. Le rôle du cinéma est tout à fait important parce qu'il pousse un homme d'affaires avisé comme Jack Johnson à ne pas bâcler ses combats, c'est-à-dire à ne pas envoyer trop tôt au tapis ses adversaires. Il fait durer souvent son combat, il joue avec sa victime, entre guillemets, et décide du moment opportun où il l'enverra définitivement à terre. Alors que Jeff essaie de se relever, je fais mine de me jeter sur lui et de l'empêcher de se relever. Il tressaille. je lui colle un crochet du gauche à la mâchoire et il traverse les cordes. Ses hommes de coin se précipitent pour le rattraper avant qu'il ne tombe du ring. Plusieurs milliers de gens de ma race m'attendaient à ma descente du train en gare de Chicago. Je n'avais qu'une hâte, aller rassurer ma mère. Devant la maison, une réception m'attendait et un tambour major appartenant au corps de la milice noire entonna « Mr. Johnson, turn me loose ». Je venais d'empocher 168 000 dollars. La victoire de Johnson contre Jeffries va déclencher une émeute raciale majeure, une des plus importantes de l'histoire des États-Unis. Au matin du 6 juillet 1910, on dénombre une vingtaine de morts et des centaines de blessés à travers les États-Unis. Il n'y a jamais eu d'autres événements sportifs dans l'histoire américaine ayant déclenché autant de violences. Le vainqueur est considéré comme le vainqueur d'une guerre des races. Il faut penser qu'à la même époque, les États-Unis se lancent à la conquête et à la colonisation d'une partie des Caraïbes, de l'Amérique centrale, mais aussi du Pacifique, avec les îles Hawaï et puis jusqu'aux Philippines. On a ici, dans ce combat, résumé les peurs de la société blanche quant à sa supériorité. Cela déclenche une violence irrépressible de la part de nombreux blancs. Le deuxième Ku Klux Klan va renaître de ses cendres et devenir l'une des principales forces politiques des États-Unis des années 1910 et 1920. Tout est allé très vite. J'ai dû fermer mon club, le Champion. Et un an plus tard, j'étais mis en examen pour traite de blanche. La société blanche américaine qui a essayé de stopper Jack Johnson sur le ring, n'y étant pas parvenue, va essayer de le stopper par d'autres moyens hors du ring. Et ces multiples relations avec des femmes blanches sera l'occasion, notamment pour le FBI, d'ouvrir une information judiciaire à son encontre. Jack Johnson aurait enfreint la loi en voyageant avec sa maîtresse blanche d'un état à un autre. Il aurait, d'après le FBI, enfreint le Mann Act, qui est une loi cherchant à prévenir les activités immorales d'hommes utilisant des femmes et en les faisant voyager par-delà les frontières d'État. Lucille a été admirable. Sa mère avait affirmé que je l'avais kidnappée, que j'exerçais sur elle un contrôle maléfique, que sa fille, la prunelle de ses yeux, ne désirait qu'une chose, se libérer de mon emprise. Mais quand elle a été interrogée par la police, Lucille a répété qu'elle m'aimait et qu'elle voulait se marier avec moi. Moi, fils d'esclave, j'allais être inculpé d'esclavagisme dans mon propre pays. Mieux valait en rigoler, non ? Je n'ai pas tardé à être inculpé. Et on m'a collé un mandat d'arrêt aux fesses. Il est condamné par un tribunal dont le jury est entièrement blanc à 1000 dollars d'amende et un an et un jour d'emprisonnement. Le procureur et DeWoody, le chef de bureau du département de la justice, avaient fait la fête aux champions, avec moi quelques mois auparavant. On avait fini à 5 heures du matin, ivre, vidé de notre foutre, à faire une course automobile autour du lac Michigan. Lui et ses copains s'étaient éclatés comme des fous. Et moi, négro, crétin et naïf, je croyais que ça me protégerait. J'ai disparu avant le début du procès. C'était en juin 1913. Pourtant, les autorités savaient que je risquais de m'enfuir. Deux types surveillaient la maison de ma mère sur Wabash Avenue. Lorsque mon secrétaire et moi avons quitté la maison à bord de sa Ford, on a été pris en filature. On avait des sacs de sport avec gants, balles et battes de baseball dans le coffre. Et une fois arrivés à la gare, nous sommes descendus de voiture, avons pris les battes et les sacs et sommes partis en courant. Les agents nous ont suivis. Le temps d'arriver sur le quai, nous nous étions fondus dans le groupe des joueurs des Giants de mon ami Rob Foster. Ils étaient une trentaine à attendre le train. J'ai presque ri aux larmes en voyant les flics en civil en train de courir à la recherche de Jack Johnson, qui était à quelques mètres d'eux, camouflé dans une nuée de nègres. là, la figure contestataire de Jack Johnson se fait bien sentir, parce que plutôt que d'accepter cette sentence de la société blanche sur lui et sur sa maîtresse blanche, il décide de fuir les États-Unis et passe les années suivantes en exil, notamment en Europe. Quand il arrive au Havre, Claude Meunier, en 1913, avec ses voitures, ses malles, sa femme blanche, toute une cour, c'est un roi nègre. Le Ritz a refusé de nous accueillir. Lucille, mon secrétaire et moi. Pareil pour l'Élysée Palace et le Grand Hôtel. Ces établissements ne voulaient pas héberger un homme accusé dans son pays de traite de blanches et considéré comme un fugitif. On est donc descendu au terminus Saint-Lazare. L'accueil qui lui est réservé par les Parisiens est celui-là. Il est à l'hôtel Terminus Saint-Lazare. La presse assiste à son bain, à son parfumage, décrit ses chemises de soie. Enfin, c'est vraiment une espèce d'exhibition à la fois sensuelle, riche, une exhibition de la fierté noire. On allait dans toutes les soirées, Lucille et moi. On dansait le foxtrot ensemble en exhibant nos vêtements et nos diamants. On était beaux et jeunes. Paris nous adulait, on adulait Paris. J'ai pu rendre hommage à Napoléon sur sa tombe aux Invalides. Jamais je ne me suis senti plus proche de lui. J'étais moi-même exilé de mon pays, de mon royaume. Partout, on rencontrait un succès fou. On a fricoté avec Paul Poiret, avec Jean Cocteau. Tout le monde voulait nous voir. Je ramassais parfois jusqu'à 5000 francs par soir, simplement pour apparaître dans tel ou tel cabaret. C'est ce qu'on appelle, ce que les Noirs ont très vite appelé un « bad nigger ». Et dans le « bad nigger », il y a l'orgueil. Le dernier « bad nigger », c'est évidemment Mike Tyson, pour parler que des boxeurs. Il y avait un côté tout à fait « bad nigger » chez Mohamed Ali. Et une récupération du bad dans Michael Jackson. Un autre bad, c'est Miles Davis, qui a fait une bande-son, un disque, tribute to Jack Johnson. L'espèce de fierté qui a à se sentir malveillant pour la bourgeoisie blanche américaine. On va vous faire mal. Et pour un boxeur, c'est une évidence. Ils ont fait mal, très mal. Et même chose pour Johnson quand il arrive. D'ailleurs, par rapport à Tyson, il a le même dispositif dentaire, c'est-à-dire les dents de devant en or quand il sourit. C'est... Par exemple, Jack London était horripilé par le sourire en or de Jack Johnson. La femme blanche là-dessus. Oui, ils sont bad, bad et fiers de l'être. Mais légitimement. Hein. On t'a déjà dit que tu ne savais pas boxer ? J'ai vu Frankie écarquiller les yeux. Une droite, bam ! Je lui ai pété le nez. Le sang et la morve giclaient de partout. Ce n'était que la première reprise. Le Veldiv était plein à craquer pour mon combat contre Frankie Moran. Colette était là, et Miss Tinguette, un prince d'Arabie, quelques mères de famille américaines fortunées avec leurs filles au pur petit vagin inviolé. C'était délicieux de voir l'expression outrée de ces matrones américaines, pleines aux as, ces Yankees en vadrouille qui s'encanaillaient devant un spectacle violent dont l'issue allait sûrement les décevoir. Frankie, t'as une bonne grosse bite irlandaise, rosâtre et charmante, légèrement incurvée vers la gauche. Ton curé a dû adorer quand tu avais 12-13 ans. Un uppercut du gauche au menton. Frankie, reste avec nous encore un peu. Ces messieurs-dames veulent te voir jouer les héros. Il faut battre le noir présomptueux, allez ! On a dansé. Je le tenais dans mes bras. Ses yeux étaient grands ouverts, mais il ne voyait que les étoiles. Moi, j'ai un souvenir d'une très belle photo de Jack Johnson en Aïda. Il jouait dans Aïda, avec une peau de bête. L'avant-garde littéraire est fascinée par Johnson. Immédiatement. C'est-à-dire que ça prend le relais de l'art nègre. On se met à la place de Picasso et des autres. Découvrir un corps glorieux, c'est quand même un choc. Et ils y vont. Voilà. Colette y va, Picabia y va, Delaunay y va bien sûr, tout le monde, tous ceux qui sont préoccupés de recherche formelle ou de nouveautés. Apollinaire bien sûr, voilà. Personne n'a jamais dit cette violence-là de manière aussi rapide, radicale. Et c'est ça qu'ils vont voir. Et puis en plus, le corps est noir, donc c'est la mise à mal de l'ordre bourgeois. Si on veut penser contre André Gide, eh ben, on pense boxeur noir. Quand Jack Johnson arrive au Balbulier, ben, ils sont autour. C'est comme une évidence. Que cherchent ces jeunes gens? Ils cherchent à bousculer l'ordre ancien, qui est un ordre, disons, de... Deux gars, le costume trois pièces, on peint bien, d'accord, mais on peint toujours les mêmes sujets, les danseuses. Il est temps de bousculer tout ça, de mettre tout ça à mal. Sandrart, c'est la zone. Quand la ville devient dangereuse, violente, sombre, et ben, d'une certaine manière, ces grands boxeurs représentent ça. Les aident en tout cas à se figurer un ordre mis à mal. L'hypercute, c'est ça, hein ? L'hypercute, c'est la vitesse et l'électricité. Le choc, le chaos, c'est un choc électrique. Et est-ce qu'il y a une interaction entre ces artistes et Jack Johnson, ou est-ce qu'il est juste pris comme ça pour une figure ou d'inspiration, Claude Meunier ? Il s'en fiche. Je pense que ça ne l'a pas intéressé. Il s'entendait bien avec Cravant, parce que Cravant était non pas un poète qui cherche à se mettre en danger ou qui cherche à... une performance, comme on a pu dire, ou quoi que ce soit. Le combat de 1916 à Barcelone, c'est le combat de deux types qui sont exilés et qui cherchent à faire de l'argent. La démarche artistique importe peu à Jack Johnson. C'est l'argent, la gloire. Quand il doit se vanter de ses relations, il dira qu'il fréquente le roi d'Angleterre. Il dira pas qu'il fréquente Pablo Picasso, hein. Alors, en 1920, il est de retour aux États-Unis, hein, Philip Aronson. Oui, il retourne aux États-Unis. Sa mère est mourante. Je crois qu'il ne la reverra pas, d'ailleurs. Mais il pense que, encore une fois, l'hubris, il pense qu'il va pouvoir rentrer aux États-Unis, qu'on le mettra en prison pendant peut-être quelques jours, quelques semaines, etc., par rapport à cette mise en examen et sa fuite en Europe. Mais en fait, il va passer un an en prison. Et c'est un peu la fin de sa carrière de boxeur. Le combat a commencé... et les blancs dans les gradins agitaient de petits drapeaux blancs pour marquer leur appartenance raciale et leur soutien à Willard. J'ai perdu. Je me suis couché. Je ne me souviens plus à quelle reprise. Je me suis couché en me protégeant les yeux de la main. Je détenais le titre depuis 10 ans. Puis ma mère est morte. Puis j'ai fait mon année de tôle. J'ai 68 ans. Plus de 30 ans que je fais le saltimbanque dans les fêtes foraines. Je suis dans le monde du spectacle. Hier soir, à Greenville, les ploucs avaient le choix entre la femme sans tête, le cheval au visage humain... les veaux siamois, l'homme en caoutchouc, ou moi, en train de raconter ma vie et de faire du sparring avec ceux dans le public que ça tentait. Il faut bien gagner sa vie. Exilé sur terre. C'est tout moi. Un exil permanent. Trouvert, troubadour. Je me balade dans les campagnes et je fais le pitre. C'est vrai que c'est une fin peu glorieuse quand on pense à la personnalité gigantesque de Jack Johnson. À toute fin, c'est touchant et psychologiquement remarquable. Il se retrouve en Caroline du Nord, là où étaient nés ses parents. Il est en train de remonter en voiture depuis... En fait, il était au Texas... Il allait passer par la Virginie, remonter vers New York, et il montrait justement des films de ses combats. Et un jour, il a oublié que même en 1946, il fallait pas aller dans un resto avec des blancs et se mettre à la place des blancs. Et il l'a fait. C'est curieux, encore une histoire d'hubris ou d'idéalisme, je ne sais pas. Mais il s'est fait remettre à sa place, vertement, par un tenancier de diner en Amérique, ce sont des petites cafétérias, des self. Et Fury Bar, il est parti au volant de sa Lincoln Zephyr, très puissante voiture de l'époque, en roulant à tombeau ouvert. Et la brise s'engouffre et caresse ma peau. Malgré le lin, je transpire comme un bœuf. La chaleur devient électrique. Le ciel se couvre, mais toujours pas un souffle de vent dans les champs de tabac. L'arôme des feuilles larges, iridées comme des oreilles d'éléphant, est puissant. Aujourd'hui, dimanche 9 juin 1946, le taux d'humidité en Caroline du Nord dépasse les 90%. Je tire sur ma Marlboro renforcée. Une brume idéale s'insinue dans mon esprit. J'ai envie de jacasser, mais je suis seul. Moi qui déteste la solitude. Jack Johnson est assurément l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Et pourtant, d'autres sportifs africains-américains, notamment le boxeur Joe Louis, ont été plus adulés par la société américaine dans son ensemble, y compris Blanche, parce que ces sportifs ont accepté de se comporter avec la déférence qui était à l'époque due aux Blancs. Dans les années 60-70, c'est-à-dire l'époque du mouvement pour les droits civiques, l'époque du Black Power, les agissements de Mohamed Ali sont davantage compris et davantage assumés par sa propre communauté, comme étant une marque de la révolte légitime des Noirs face à l'oppression raciale. D'une certaine façon, on peut dire que Jack Johnson était en avance sur son époque. C'est un météore dans l'Amérique du début du XXe siècle, très en avance sur son époque. Allez, ma belle Zéphyr, aide-moi à lâcher prise. Fonce, libère-moi. Je la pousse jusqu'à 100 km/h. Le ciel est un bleu. Ici, en Amérique, on dit bleu Caroline. Allez, je me tire d'ici. J'emmerde le sud. Petit virage, camion, merde. Ah, ça y est, l'ambulance arrive. Prenez votre temps, messieurs, je ne suis qu'un nègre. Mais ils ne m'entendent pas. Ils ne m'entendent pas rire non plus. Attends, je m'approche de mon corps disloqué. Moche, du sang partout, un tas de viande. Il a eu un accident, il s'est pris un poteau. Il y avait un hôpital qui était assez proche de là où il a eu son accident, mais on n'a pas pu l'emmener là parce que c'était un hôpital pour blancs. Je m'approche encore, je me frôle, je danse un peu avec moi-même. C'est bizarre. D'un autre côté, je m'en tape, je vole. Je regarde mon corps et je dis « Si j'y ai un nègre qui a oublié qu'il était en Caroline du Nord. » Jack Johnson, La couleur de l'orgueil, avec Philippe Aronson, Claude Meunier et Nicolas Martin-Breteau. Lecture d'Un trou dans le ciel de Philippe Aronson, Jean-Michel Martial. Musique, A Tribute to Jack Johnson, de Miles Davis. Mixage, Alain Joubert. Prise de son, Pierre Monteil. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Jean-Philippe Navarre.